Sur les 197 chapitres que compte Laisser sur les mœurs, je n'en ai retenu que trois. Chapitre 118, Idée générale du XVIe siècle. Le commencement du XVIe siècle nous présente à la fois les plus grands spectacles que le monde ait jamais fournis. Si on jette la vue sur ceux qui régnaient pour lors en Europe, leur gloire ou leur conduite, ou les grands changements dont ils ont été cause, rendent leur nom immortel. C'est à Constantinople un Sélim qui met sous la domination ottomane la Syrie et l'Égypte, dont les mahométans mamelouks avaient été en possession depuis le XIIIe siècle. C'est après lui son fils, le grand Soliman, qui, le premier des empereurs turcs, marche jusqu'à Vienne et se fait couronner roi de Perse dans Bagdad, prise par ses armes, faisant trembler à la fois l'Europe et l'Asie. En Espagne, en Allemagne et en Italie, on voit Charles Quint, maître de tous ses États sous des titres différents, soutenant le fardeau de l'Europe, toujours en action et en négociation, heureux longtemps en politique et en guerre, le seul empereur puissant depuis Charlemagne et le premier roi de toute l'Espagne depuis la conquête des Maures. Opposant des barrières à l'Empire ottoman, faisant des rois et une multitude de princes et se dépouillant enfin de toutes les couronnes dont il est chargé pour aller mourir en solitaire après avoir troublé l'Europe. Son rival de gloire et de politique, François Ier, roi de France, moins heureux mais plus brave et plus aimable partage entre Charles Quint et lui les vœux et l'estime des nations. Vaincu et plein de gloire, il rend son royaume florissant malgré ses malheurs. Il transplante en France les beaux-arts qui étaient à l'Italie au plus haut point de perfection. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, trop cruel, trop capricieux pour être mis au rang des héros, a pourtant sa place entre ses rois, et par la révolution qu'il fit dans les esprits de ses peuples, et par la balance que l'Angleterre a pris sous lui à tenir entre le souverain. Le nom du pape Léon X est célèbre par son esprit, par ses mœurs aimables, par les grands hommes dans les arts qui éternisent son siècle, et par le grand changement qui sous lui divisa l'Église. Au commencement du même siècle, la religion et le prétexte d'épurer la loi reçue, ces deux grands instruments de l'ambition, font le même effet sur les bords de l'Afrique qu'en Allemagne, et chez les mahométans que chez les chrétiens. Un nouveau gouvernement, une race nouvelle de rois, s'établissent dans le vaste empire de Maroc et de Fès, qui s'étend jusqu'au désert de la Négricie. Ainsi, l'Asie, l'Afrique et l'Europe éprouvent à la fois une révolution dans les religions, car les Persans se séparent pour jamais des Turcs et, reconnaissant le même Dieu et le même prophète, ils consomment le chiisme d'Omar et d'Ali. Immédiatement après, les chrétiens aussi se divisent entre eux et arrachent aux pontifes de Rome la moitié de l'Europe. L'ancien monde est ébranlé, le nouveau monde découvert et conquis par Charles Quint. Le commerce s'établit entre les Indes orientales et l'Europe par les vaisseaux et les armes du Portugal. D'un côté, Cortés soumet le puissant empire du Mexique et les Pizarro font la conquête du Pérou avec moins de soldats qu'il n'en faut en Europe pour assiéger une petite ville. De l'autre, Albuquerque dans les Indes établit la domination et le commerce du Portugal avec presque aussi peu de force malgré les rois des Indes et malgré les efforts des musulmans en possession de ce commerce. La nature produit alors des hommes extraordinaires presque en tous les genres, surtout en Italie. Ce qui frappe dans ce siècle illustre, c'est que malgré les guerres que l'ambition excita, et malgré les querelles de religion qui commençaient à troubler les États, ce même génie qui faisait fleurir les beaux-arts à Rome, à Naples, à Florence, à Venise, à Ferrare, et qui de là portait sa lumière dans l'Europe, adoucit d'abord les mœurs des hommes dans presque toutes les provinces de l'Europe chrétienne. La galanterie de la cour de François Ier opéra en partie ce grand changement. Il y eut, entre Charles Quint et lui, une émulation de gloire, d'esprit, de chevalerie, de courtoisie, au milieu même de leur plus furieuse dissension. Et cette émulation, qui se communiqua à tous les courtisans, donna à ce siècle un air de grandeur et de civilisation inconnu jusqu'alors. Cette civilisation brillait même au milieu des crimes. C'était une robe d'or et de soie ensanglantée. L'opulence y contribua, et cette opulence, devenue plus générale, était en partie, par une étrange révolution, la suite de la perte funeste de Constantinople,